the future. Sevrant, Sevrant, Sevrant, Sevrant. Lige, mon cœur a déménagé. AMG 63. Même si ma peine est aménagée. AMG 63. Mes sentiments sont déchargés. AMG 63. Les piles de l'art laissent présager. AMG 63. AMG 63. AMG 63. AMG 63. AMG 63. J't'allume 200 fois. Puis je le redis une deuxième fois. J't'allume 200 fois. J'rame tes 63. Ramasse ton string et va te laver. Et je te le répéterai par crack héroïne dans des sachets. T'es très près, tu trépas du kérosène pour mélanger. Quelques feuilles de coca. Tu peux l'inhaler, tu peux l'injecter. Le produit est local. Tout droit du 9-3. AMG 63. Gros son de l'eau, ça. C'est Caris en Gova. T'es démasqué, tu peux faire l'ancien. La preuve est que j't'ai fait mal. T'auras pas besoin de danser comme un indien. Pour qu'il pleuve des balles. Au fond de la classe, j'ai pas de jouet. Nique sa race, les rouages. J'ai des traces de coups de fouet à la place des tatouages. Les flics fachos rôtissent. Même les manchots m'applaudissent. Ça brûle comme la chaude pisse. Et les mules la vomissent. Bitch, mon cœur a déménagé. AMG 63. Même si ma peine est aménagée. AMG 63. Mes sentiments sont déchargés. AMG 63. Les piles de l'art laissent présager. AMG 63. AMG 63. AMG 63. AMG 63. AMG 63. J't'allume 200 fois. Puis je le redis une deuxième fois. J't'allume 200 fois. J'crame tes 63. Quand y'a un flingue, y'a plusieurs flingues. Fais très attention. T'es né baltringue, tu meurs baltringue. Te pose pas de questions. Double rotor en platine comme les couilles à terre. Minator, elle se déboîte les babines quand elle suce le dinosaure. Sous le rayé 4-4, je vais déployer l'asphalte. Je vais débrayer, j'attaque. Je vais te rayer la carte. Quelques cartouches car je peux pas perdre. Je te promets t'es trop top. Ils ouvrent la bouche que pour de la merde. Diplômé de blowjob, je viens prendre des sous. J'ai le sang qui boue et le temps tu me touches. T'as une dent qui bouge. J't'élimine vite, j't'étrangle. Qu'on m'informe que j'les abatte. Illuminati dans triangle comme la forme de ta chatte. Bitch, mon cœur a déménagé. AMG 63. Même si ma peine est aménagée. AMG 63. Mes sentiments sont déchargés. AMG 63. Les piles de l'art laissent présager. AMG 63. AMG 63. AMG 63. AMG 63. AMG 63. J't'allume 200 fois. Puis je le redis une deuxième fois. J't'allume 200 fois. J'crame tes 63. Bitch, mon cœur a déménagé. AMG 63. Même si ma peine est aménagée. AMG 63. Mes sentiments sont déchargés. AMG 63. Les piles de l'art laissent présager. AMG 63. T'as double hacké, t'as le sadou.